Retro Nouveau. Bon, bienvenue à ce cinquième épisode de Rétro Nouveau. Ben oui, ça va vite, déjà cinq épisodes. On se promène un peu partout sur iTunes. Des fois, on est cinquième, des fois, on est troisième, des fois, on est 90e. Ouais, des fois, on n'est pas là pendant tout. Fait que ça prouve à quel point il y a un roulement énorme de podcasts. Mais on apprécie énormément le retour des gens. Tout le monde, vous êtes vraiment cool. Vraiment, on a que des commentaires positifs. Je pense qu'on a eu deux commentaires négatifs jusqu'à maintenant. Puis c'était constructif. On apprécie vraiment. Puis en passant, s'il vous plaît, venez aimer notre page Facebook. On a besoin de monde. C'est une super bonne place pour échanger. Parce que Twitter, c'est vraiment le fun. Mais Twitter, c'est de l'immédiat. Tandis que Facebook... vous pouvez nous laisser un commentaire, puis nous autres, on peut le lire le soir, puis on va vous revenir, c'est sûr. Tandis que Twitter, des fois, ça peut être là avant d'avoir une réponse. Ouais. Twitter aussi, il faut être là devant son ordinateur tout le temps, parce qu'après ça, le post se perd des fois dans le timeline, puis boy, on travaille en même temps qu'on tweet, là, c'est ça. Des fois, on est surchargé. Mais c'est ça. Puis aussi, dans le fond, un but qu'on s'est fixé, moi puis Bruno, ça serait probablement de faire de nos deux blogs un blog, oui. Puis Rétro Nouveau sera la seule bannière pour nos deux sites là, finalement, exact. Donc Papa Cassette puis Une Vie de Gamer Mergé. Donc si on veut faire ça sans vous perdre, ben c'est important que quand on va avoir assez de monde qui nous suit oui. sur Facebook, sur Twitter, tout ça, on va peut-être être un petit peu plus à l'aise de le faire là, mais faut ramasser un peu une communauté avant de dissoudre nos exact. Blogs personnels. Oui. Ce qui est pas rien là, totalement. Parce qu'on a travaillé fort là-dessus. Mais non, c'est ça. Exact. Donc c'est ça. Je pense que t'avais des choses à dire, toi, déjà, au départ? Oui, des petites choses en introduction. J'ai écouté le dernier Weekend des Gamers. Oui. Puis les gars de Mac Gamers nous ont mentionné. Donc, merci beaucoup, les gars, boys. C'est vrai. Et puis, j'ai cru remarquer qu'on n'avait pas réussi à retenir mon nom. Donc, oui, c'est vrai. Ce qui est bien normal, là. Ouais. Mon nom, à moi, il n'est pas connu. Je passe pas à la télé. Donc, je m'appelle Dominique Bourret. Alias Papa Cassette. Yes. Puis, il retenait Papa Cassette, par exemple. Donc, j'ai pas ouais, ça. C'est comme mon nom d'artiste. Ouais, c'est là, ça. Dans le gaming. Je trouve ça tout à fait sympathique. Puis, j'étais ah, content oui. d'avoir trouvé ce nom-là. Donc, voilà. Merci les boys de My Gamers. Vous faites une yes. bonne job. Et puis, oui, en deuxième point, es-tu allé aujourd'hui voir si t'étais un ambassadeur? Es-tu un ambassadeur de la 3DS, premièrement? Oui, puis non, parce que moi... Et pas à toi, ça? C'est ça, la 3DS, la 3DS de Monsieur Net. Fait que, veux pas, tu sais, je l'ai, mais c'est la 3DS de l'équipe. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas encore acheté ma propre 3DS. Okay. Mais l'équipe va-t-elle aller chercher ses 10 titres aujourd'hui? Oui, on va aller les chercher quand ouais. même, pour être sûr de les avoir, mais... Moi, c'est ça, c'est tous des titres que j'ai déjà sur ma console. Mais est-ce qu'ils vont être refaits 3D comme Excitebike? Non, c'est pas ça, c'est vraiment un port là, direct. Okay, okay, là. C'est, okay. c'est vraiment, ils ont pris le ROM de Nintendo puis ouais. ils l'ont mis sur ta machine. C'est un peu plate, ça, pareil. Ouais, c'est un peu plate, mais l'affaire que je trouve la plus intéressante, c'est plutôt les jeux de Game Boy Advance. Ouais. Parce que les jeux de Nintendo sont super intéressants, mais c'est tous des trucs qu'on peut déjà jouer sur la console virtuelle. Ouais, ouais. Fait que si vous avez déjà une Wii, il y a des grandes chances que vous les ayez déjà achetés. Mm-hmm. Si c'est pas le cas, c'est sûr que c'est cool. Il y a des super bons jeux comme évidemment Metroid qui est là-dessus, c'est un incontournable. Mais il y a aussi le Metroid sur Game Boy Advance qui est Samus Returns, qui est un de mes meilleurs jeux de Game Boy Advance. Là, qui... Ah, le premier, le deuxième. Oui, le deuxième. Oui, oui, ça, quand ça a sorti, c'était vraiment c'était fou. C'était incroyable. Ouais. Ça a quasiment été le prélude pour les Castlevania qu'il y a eu sur Game Boy Advance, qui était ouais. excellent. Fait que, non, vraiment, mais ben, allez-y si vous n'y êtes pas allé, parce ben là, que il est midi, c'est le temps, là. Il est midi et demi, moi, j'en arrive, là. J'étais okay. allé voir, j'avais pas reçu une notification. OK. Et puis, je suis allé voir sur Internet, parce que tu peux aller sur la page de support de Nintendo, rentrer ton numéro de série de ta 3DS pour vérifier si t'es bel et bien un ambassadeur. Ouais, éligible. Je le suis, c'est fait. Mais j'ai pas reçu encore la mais c'est ça aussi en même temps, tu sais, avec la différence de temps et fuseau horaire, peut-être que en Amérique du Nord ouais. c'est différent aussi. Peut-être aussi, tu sais, c'est quand même un gros move de la part de Nintendo. Ah, fait, ouais. Je sais pas si on pensait aussi à toute l'infrastructure qu'il y a derrière ben, ça. Ça va s'en rôder en sauvage là. C'est ça. Ça, c'est ça. Fait que je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, surtout qu'ils ont donné une extension à tout le monde. Fait que ouais. j'imagine que ça lui donnait du temps aussi de penser à comment qu'il allait faire ça, mais bref, on espère voir nos jeux au plus sacré. Ouais, ouais, j'ai hâte de voir ça. Une petite game de... Je suis content qu'ils refassent Wrecking... Ben, qu'ils mettent Wrecking Crew, qui est un jeu, à mon avis, totalement underrated, là. C'est excellent. Mais j'ai jamais joué. Moi, j'ai jamais joué. C'est vraiment, vraiment bon, ça. C'est un ça a l'air cool. Ouais. Donc, je voulais revenir aussi. En fin de semaine passée, j'ai raté, parce que j'étais à l'extérieur de la ville, la réunion du club de collectionneurs de jeux vidéo du Québec. Qui a eu lieu. Il paraît qu'il y avait beaucoup, beaucoup de vieilles consoles avec beaucoup de shoot-em-ups, des jeux de vaisseaux comme Gradius, R-Type. Donc, je crois que c'était une belle réunion. C'est un superbe endroit pour discuter avec des pros et puis des amateurs qui sont, ma foi, des professionnels, là, parce qu'ils connaissent leur stock là, d'aplomb, et puis se procurer des jeux. Alors, la prochaine fois, je vais me garder un petit peu plus à jour et puis je vais vous l'annoncer d'avance le prochain meeting. Puis, c'est un rendez-vous. Et puis, dernière chose concernant une future critique rétro nouveau. Tu m'as fait découvrir cette semaine, puis je le savais, mais j'ai complètement pas pensé à ça, que Splatterhouse est disponible sur la Wii Virtual Console. Exact. Parce qu'on nous a appris, ben moi je savais pas, je suis pas un spécialiste de Splatterhouse, j'ai jamais joué, qu'il y en a trois. Oui. J'avais vu que le deuxième et le troisième étaient disponibles sur eBay au Genesis. Je pensais que le premier aussi, mais non, il est sur le TurboGrafx. Oui, exactement. Donc, merci beaucoup aux jumeaux techno de nous avoir enseigné. Et merci beaucoup à Nintendo avec sa Virtual Console. Oui. J'ai pas besoin de m'acheter un TurboGrafx-16. Ah non, puis tant mieux, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de jeux là, qui sont bons sur TurboGrafx-16. C'est pas une console à acheter, d'après moi. Là, puis même les manettes étaient dégueulasses sur TurboGrafx-16. Moi, je les aimais vraiment pas. Là. Ah, c'était carré. Ça ressemblait à des manettes de Genesis un peu. Là. Ouais. Pas de Genesis, Sega de Sega Master System. Ouais, ouais. Puis j'ai pas trippé sur la TurboGrafx. Je me souviens que je l'ai eu, j'ai acheté Splatterhouse, puis j'ai tout vendu ça. Ça a pas été très long. Il y avait pas grand chose, tu sais. Ben, ça, c'est la version américaine, je pense, du PC Engine. Ouais, exact. Et puis sur le PC Engine, il y en a là, des grands classiques. Oui, oui. Donc Castlevania, Rondo. Mais c'est ça, TurboGrafx 16, c'était Bunk, hein, qui était là-dessus. Bon, beaucoup de Bunk là-dessus. C'est moi, ça. Bunk, ça m'a jamais fait tripper. J'en ai un, pareil. Moi, je l'ai essayé. Pourri. Mais toi... Bunk, je l'ai quand même aimé. Je trouvais ça correct. Ça ressemblait un petit peu à Alex Kidd. Puis je trouvais ça cool. T'sais, je trouvais ça le fun d'avoir une alternative à Mario. T'sais. Fait que je me disais, ben, je vais essayer. T'sais, c'est un platformer. Puis ce qui est le fun, c'est que maintenant, Bunk, on peut se le procurer sur le PlayStation Network sur XBLE. Fait que... Ouais. Fait qu'on n'a pas vraiment besoin... Ouais, c'est ça, ça me tente de pas jouer. Vous savez où ne pas vous le procurer. Exactement. Non, mais peut-être les autres sont bons. Là. J'irai pas justice, faudrait que j'essaye. Non, faudrait que tu réessayes maintenant. Ouais. C'est quand même pas si pire que ça. Ouais, parce que sur le Game Boy original, des fois, il y a des jeux là, très bons. Il y en a des remakes. C'est pas ça, il y a des remakes. Sur le Game Boy, c'est tellement dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est pas possible. C'est vraiment tough, là. On va discuter cette semaine des arcades, parce qu'on a vraiment beaucoup de souvenirs par rapport aux arcades. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, entre autres, j'en ai parlé cette semaine avec ben du monde sur Twitter, parce que tout le monde qui a 30 ans à peu près avait des arcades quand il était jeune, il allait dans les arcades, on a tous des souvenirs attachés à ça, puis c'était tellement le fun, l'arcade. Moi, une affaire qui m'impressionne vraiment, c'est que quand on était jeune, les arcades, c'était 25 sous. Oui. C'était tellement le fun. Maintenant, tu te dis, je vais recréer cette ambiance-là. Tu vas aller dans une arcade, dans un cinéma ou quelque chose. Ça te coûte une pièce pour des games qui sont des fois minutés. Des fois, tu as à peu près 30 secondes pour jouer. Des fois, tu as une minute. Ouais. C'est plat. C'est cher. C'est vraiment cher. T'sais. Ça n'a pas de bon sens. Là. Non, vraiment. Mais ils n'ont pas... Ah, le feeling de mettre c'était facile d'avoir des 25 sous, tu sais, quand t'as une poignée de piastres dans tes mains, t'es... Les jetons. Juste d'aller chercher des jetons, je trouve ça comme plus plat, tu sais, tu mettais ton 25 cents sur le bord de la machine Street Fighter. Tu mettais un next, là, tu sais. C'était écœurant, puis t'avais tout le temps un gars qui arrivait avec son espèce de gros rouleau en plastique de 25 cents, t'es comme, je suis next, puis c'était comme le bon de la place, c'était écœurant, tu sais, avec... C'était quasiment... Moi, je trouve là qu'une arcade, c'était quasiment comme un saloon dans le Far West. Tu rentrais là-dedans, là, puis t'avais des skills. T'sais, t'étais bon ou t'étais mauvais, mais tu pouvais être là un abo, le plus petit gars, là, qui il fait rien en vie, mais il joue juste à, mettons, à... Je sais pas, moi, il joue juste à NBA Jam. Moi, j'en avais un quand j'étais jeune, là, il était tout petit, puis il jouait à NBA Jam, puis c'était le meilleur. Puis personne pouvait le clencher. Il y avait des adultes qui venaient, des toughs, avec des cigarettes dans ce temps-là. Tout le monde pouvait fumer des cigarettes. Au max. gaz, là. Ça fumait, puis là, ben, crime, il éclenchait tout. Ben oui. Il y avait une justice. Il y avait la justice du plus gros payeur pour se pratiquer longtemps. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais, moi, j'ai essayé de péter du monde à Tekken, puis, mettons, à Sherbrooke, dans le temps j'étudiais, puis j'avais Tekken 3 sur mon PlayStation, mais il y avait une arcade à Sherbrooke, fait que j'allais faire mon tour, puis là, c'était la grosse, grosse bombe Tekken, là, gigantesque. Je pense que c'était le 4, là. Il y avait bien des personnages. Oh, oui. Puis, écoute, là, il y en a là, qui connaissent leur move par cœur. Moi, j'arrive, puis je me fais péter. Ouais. Mais à Tekken, on peut faire un... Quand quelqu'un te punch avec June, tu peux grabber son poing, le virer à l'envers, puis comme il pétait le bras, ouais, tu sais. Il y a Paul Phoenix qui fait ça, Jim. Fait que moi, je faisais juste ça. Hein. Je faisais juste grabber ses coups. J'ai buté un gars comme ça. Ah, il était en tabarnak. Ouais, c'est sûr et certain, là. C'était vraiment drôle. Mais il y a ça aussi, la compétition. Tu t'embarques là, contre le parfait inconnu, puis t'essayes de le sortir. De là, c'est comme t'as vraiment une petite adrénaline là, pour les jeux de fighting. Oui, c'est sûr, là, tu te sentais bien. Moi, c'était quand j'étais jeune, bizarrement, c'était Virtual Fighter. Ouais. Virtual Fighter, quand c'est arrivé, j'étais maniaque de ça. Puis j'utilisais tout à le même bonhomme. Je me souviens plus de son nom. C'était comme une fille. J'ai jamais beaucoup joué. Bref, elle ressemblait un peu à Chun-Li, mais tu sais, elle torchait. Je faisais tout le temps le même move. C'était tout le temps la même affaire. Puis le monde était justement fâché parce que je faisais tout le temps le même move. Pareil comme avec Blanca. Je faisais tout le temps une espèce de boule. Puis je fonçais sur le monde. Tu sais, ça, le monde est frustré. Mais veux pas, c'était un peu ça la règle de l'arcade. Tu sais, c'était, coudonc, t'es-tu capable de battre le petit morveux qui arrête pas de faire le même move depuis tantôt? Ouais. Je trouvais ça cool. Puis moi, dans le temps, à Saint-Joseph-de-Beauce, là, d'où je viens, on avait un centre d'achat. Ben, il est encore là, d'ailleurs. Il n'y a vraiment plus grand-chose dedans. Dans ce temps-là, il y avait une arcade, une borne, à quelque part, qui changeait de temps en temps. Okay. Donc, moi, j'ai joué à des classiques là-dessus. Là. J'ai découvert Arkanoid. Ouais. Ça a été là longtemps. Après ça, il y a eu un club vidéo dans le centre d'achat. Puis là, ils se sont mis à avoir de quoi d'un peu plus récent pour faire des rotations. Donc, en premier, il y a eu NARC. Ah, j'ai capoté ça. Dans le jeu anti-drogue, là, tu ramasses des piastres, tu chaudes du monde, tu fais tirer des seringues. C'était débile! Tu roulais dans ton char rouge, tu passais sur le monde, c'était écœurant. Mais la version NES était tellement pourrie. Ah, là, j'avais loué ça, moi, avec là. J'avais je l'ai acheté, 70$. Il avait changé le NARC, l'espèce d'éclat de sang. Il avait changé de rouge à jaune. À jaune, ouais, je m'en rappelle. Pour la version NES, puis... Caline, j'avais tellement de grosses attentes. Finalement, c'était... Ça arrivait super souvent. Ah oui. Final Fight aussi, c'est probablement l'arcade, j'ai mis le plus d'argent dedans. C'est vrai. Parce que moi, j'aimais ça me battre avec Guy, le ninja rouge. Cody, correct. Moi, les gros dans les jeux de fighting, dans les jeux de baston comme ça, comme Agar, je les aime moins, les petits vite. Fait que j'ai joué à ça en fou, là. Ça a changé ma vie, ce jeu-là. Je savais pas que ça existait, des jeux de même. Ah oui. Puis plus tard, sur le Super Nintendo, qu'est-ce qu'il y a pas? Premièrement, Guy est pas là, mon bonhomme n'est pas là. Puis on peut même pas jouer à deux en même temps, tu sais, qui était tout le bonheur de cette arcade-là. C'est vrai, ça. Donc, quelle déception. Mais j'ai entendu parler que Final Fight, Guy existe. Comme t'as la version originale. Pour vrai? Puis oui, dans l'autre version, à place de Cody, t'as Guy. OK. Fait que faudrait, je vais me renseigner là-dessus. Colline. Je pense que c'est un classique. Ben, j'ai découvert aussi Snow Brothers. Oui. Le clone de... C'était écœurant, ça, Snow Brothers. C'était Bubble avec des bouts de neige, finalement. Là. Ouais. C'était vraiment le fun. Moi, un de mes gros hits, puis j'en parle à du monde, puis bizarrement, j'arrive pas à trouver un autre gamer qui a joué. Puis si vous avez joué, dites-moi là. C'était Aliens, mais c'était un Aliens, il y avait une mitrailleuse, mais elle arrivait à ta taille, la mitrailleuse. Ah, fait la borne, hein? La borne était énorme, puis t'avais deux gros guns lourds que tu fallait que tu tiennes avec tes deux bras, puis ça shakait ton corps complet, puis tu mitraillais des ennemis. C'était comme la suite de Terminator. Tout le monde a joué à Terminator 2. Moi, j'ai vu deux, là. Oui, la prochaine d'arcade. Avec la exact. Malcolm, là. L'opération Wolf. Ça, c'était génial. T'sais, tout le monde a joué, puis on a des merveilleux souvenirs, mais moi, Aliens, ça m'avait tellement fait triper, puis... Malheureusement, j'ai juste un chum que je connais qui a joué à ça parce que justement, il restait à la même place que moi. On restait à Terrebonne quand on était jeune. Il y avait, sur le boulevard des Seigneurs, il y avait l'arcade qui était là. C'était merveilleux. Puis à un moment donné, ben, il y avait un autre fléau. Il y avait trop de deals de drogue dans l'arcade. Ouais, ça, il y avait de moins en moins de monde. Fait qu'ils ont décidé d'abolir l'arcade tout simplement, de l'arrêter. D'ailleurs, ça, c'est une affaire qui me rappelle. Quand j'étais jeune, nous autres, on nous racontait la rumeur. Je sais pas si ça a vraiment été vrai, mais ils disaient que pendant que tu jouais, il y avait des fois, il y avait des descentes de police. Fait que là, les grands, ils mettaient leur drogue, ils cachaient leur dope dans tes poches pendant que tu jouais, tu sais. Ah, fait que ouais. Moi, je jouais, puis je crée mon test super jeune, là, j'avais, tu sais, 8, 9 ans, 10 ans, tu sais. Puis là, je checkais tout le temps en arrière pour être sûr qu'il n'y ait pas un bande qui me mette de la dope dans les poches, tu sais. Oh, enfin, on nous fait peur, là. C'est comme la polyvalente, là. Où tu te fais donner de la drogue, puis là, t'aimes vraiment ça, après ça, tu vas vouloir en acheter. C'est ça, tu vois, c'est des collants de Mickey Mouse, là, puis croisez pas les collants de Mickey Mouse, c'est de la cocaïne. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, en tout cas, il y avait plein d'histoires de même, mais c'était tellement. C'était comme un endroit mythique, puis je trouve que. On était bien là-dedans. Moi, quand j'étais en vacances, là, dans le Maine, je passais plus de temps dans l'arcade que sur la plage, tu sais, puis j'ai découvert là-dedans Mortal Kombat. Oui. Là, c'est la première fois que j'ai vu des têtes partir, des colonnes se faire arracher. Je capotais, mon gars. C'était écœurant. Puis là, sur la version Super NES, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a rien de tout ça. Je capotais. La version de Genesis, par exemple, ça le faisait, mais au Super NES, moi j'avais le Super NES, non, pas d'arrachage de tête, pas rien de ça, pantoute. Non, non. Mais c'est vrai que c'était cool. Puis aux États-Unis, dans le Maine, ils ont gardé quand même une certaine partie de ça. Il y a encore des grosses arcades avec énormément de machines. Ouais. Moi, c'était j'étais un énorme fan de machines à boules. Ouais, malheureusement, je suis pas comme Carl Tremblay à Monsieur Net que vous connaissez. Lui, il a sa propre petite arcade dans sa cave. Ah, il s'achète des machines d'arcade. Maudit chanceux, à un moment donné, j'aurai la place puis je vais le faire moi avec. Mais moi, si je m'achète une machine à boules, la première, ça va être Rambo. Rambo, hein? Parce que j'ai vu ça dans le Maine, j'ai joué. Ça a été la première machine à boules que j'ai été bon, là. Genre, je savais qu'est-ce que je faisais, tout ça. Puis c'était le fun parce que quand tu bumpais sur les côtés, c'était pas des coups de bombe de ding, ding, ding. C'était des mitrailleuses. Ah ouais? C'était malade. Fait que ça tirait tout le temps. Tu te sentais débile. Puis là, tu voyais la face de Stallone. Puis il avait son gros gun dans les mains. Puis le gun, ça faisait de la lumière quand il mitraillait. Puis tout. Puis c'était tellement écœurant, là. Moi, les machines à boules, j'ai des super bons souvenirs par rapport à ça. Mais tous ceux-là qui avait rapport à un film. Ben oui, c'était ça. Me faisait capoter. Hein. C'était ça qui était le fun. Puis il était bien fait dans ce temps-là. Midway s'en est beaucoup occupé aussi. Puis c'est des maîtres dans l'art de la machine à boules. Puis c'est vraiment des bonnes machines, là. Mais dans le Maine, c'est le fun parce qu'ils ont gardé ça. J'ai un chum, entre autres, qui est allé l'année passée. Puis il me disait, il y a encore des grosses arcades, des places que ça a l'air d'être une espèce de gros entrepôt vide, mais finalement, c'est une grosse arcade encore, tu sais. Qu'est-ce qui arrive au Québec? Tu sais, moi, la dernière fois que j'ai joué dans une arcade au Québec, c'est quand j'habitais à Côte-des-Neiges, hein, il y a à peu près 8 ans. Il y en avait une au centre d'achat, Carrefour Côte-des-Neiges, c'est peut-être un centre d'achat épeurant. Mais, mais même, je suis retourné, puis il n'y en a plus d'arcade. Non. Je jouais à House of the Dead, puis that's it, mais c'est terminé. Ah, c'est, ben, c'est des cinémas. C'est des cinémas, c'est des cinémas, le AMC, il y en a une. Star City, je pense au Quartier Latin aussi. Il y en a une dans le fond, là. Exact. Mais, des places comme la Récréatec ou des trucs comme ça, mais. Mais c'est pas le principal de la place, tu sais. C'est garoché dans un coin. C'est ça, c'est un peu comme, OK, pendant que tu attends ton film, va donc jouer à 2 ou 4 machines à boules. Tout ça que nous passions. Sont vieux. J'étais allé au Star City, c'était pas du nouveau stock, là. C'était super vieux. Là, non, puis des fois, quand c'est nouveau, je veux dire, crème, Daytona USA, là, je t'ai bien joué à ça. Là. Moi, jeu de char plate que tu dures 50 secondes, tu sais, ça marche pas des jeux de même. Moi, il y a justement des vieux jeux intéressants, les vieilles machines, comme la machine de X-Men, que c'était les quatre. Deux écrans, puis tu pouvais jouer à quatre. Même plein, plus c'était que ça. Non, je pense qu'il y en avait trois écrans. Turtles aussi, c'était ça. Les Simpsons. C'était des belles arcades, ça. Ah, c'était écœurant, là. D'ailleurs, X-Men, il y a eu le jeu d'arcade, ils l'ont sorti pour les consoles, puis pour le iPod. Puis, moi, je vous le dis rapidement, je ne ferai pas de critique de ça, mais je peux vous le dire rapidement, ça vaut pas la peine. Tu n'as pas le même feeling. Puis, ce que c'est, finalement, c'est avance, puis tape sur ton piton, puis ça finit là. Tu n'as pas de technique, tu n'as rien. Tandis que quand tu étais à l'arcade, tu avais des subtilités que tu pouvais avoir avec le joystick. Tu pouvais attraper quelqu'un du dessous, puis le lancer. Puis, il y avait vraiment... Le gameplay était quand même assez différent. Fait que... Ils n'ont pas arrivé à recréer ça sur l'iPod. Sur les consoles, j'ai pas essayé. Je pense que tu pourrais peut-être l'avoir. Mais moi, juste à cause du feeling arcade que j'ai, qui est tellement bon, j'ai de la misère à acheter un port de ça sur une console. Je me dis, j'aurais jamais le même feeling. Non, vraiment. Ben, Turtles in Time au Super NES, c'était pas mal un des meilleurs. Ouais. Parce que tu passes d'une arcade au Super Nintendo quand même, il faut que tu droppes ta qualité. Là, mais ça a été un très très bon jeu, ça. Ça probablement un des meilleurs qui a passé de l'arcade à la console. C'est vrai. Mais pour l'avenir des arcades, moi j'ai posté ça sur mon blog aussi, puis vous avez peut-être vu, il y a quelque chose d'intéressant, c'est comme des lounges arcades, là, tu sais. Oui. Où est-ce que tu vas prendre un verre, puis... Ça, c'est malade, j'en veux au Québec, là. Hey, ça prend ça, là, c'est merveilleux, parce que c'est parfait pour ta blonde. Tu veux danser, je pense qu'il y a un petit spot dans le coin, tu veux juste gamer, prendre un verre, tu sais, tu t'assois à table, tu joues un jeu, tu jases, tu peux acheter des jeux, là, t'es même pas obligé d'aimer le gaming, puis tu sais, c'est beau, c'est pour tout le monde. C'est ça. C'est vraiment une belle place. Ah, je trouve ça génial, moi. C'est souvent je pense que souvent le problème, c'est la sécurité. C'est le fait que dans des endroits comme dans un bar, justement, tu peux avoir du rabuche, tu peux avoir des problèmes quand tu as du matériel, comme tu as du matériel électronique, tout ça. C'est pas pour rien que les TV sont super hautes dans les bars. Là. C'est parce qu'ils veulent pas de vandalisme ni rien de ça. Fait qu'avec les jeux vidéo, c'est peut-être ça aussi qui est une problématique, mais moi, j'aimerais vraiment ça qu'elle mette ça au Québec. Là. Ben oui. Ben même au pire, là, si quelqu'un pèse un peu fort sa manette de Nintendo, à remplacer. Mais moi, je ferais ça vraiment avec des machines arcade, de toute façon. Tu fais ça ou des comme les cabinets Neo Geo, c'est un peu ça aussi. T'as une console qui est là, puis c'est juste des joysticks. Si à chaque table, il y avait peut-être une télé en arrière d'une vitre, la table NES, la table Sega Master, la table Coleco, tu sais, puis tu loues à l'heure, maintenant, c'est ça. Tu prends un drink, comme une salle de poule. Ça serait vraiment un Mais moi, j'étais allé dans un bar, c'était où? Je pense que c'était à Chambly. Je me souviens plus quel bar. Puis c'était le fun, il avait mis une table de Tetris. C'était ta table pour boire un verre. Il y en a ça. Je pense qu'il y en a. C'est cœur, hein, là. C'est vraiment une bonne idée. Au Martini Lounge aussi. Je pense que oui. Moi, je pense qu'il y en a de ça aussi. Miss Pac-Man. Oui. Mm. Mais c'est vraiment une bonne idée. Ça serait cool, ça soit tout le temps comme ça. Ouais. Fait que, en tout cas, vraiment, le temps nous presse, mais on va en reparler des arcades parce que c'est tellement le fun, puis c'est tellement un sujet qui va loin, puis on a une tonne de souvenirs attachés à ça. Je vais vous parler aujourd'hui de deux mini-critiques, à vrai dire. C'est des jeux sur plateforme iOS, des jeux que le monde ne connaisse pas vraiment, qui sont super bons pour iPhone, pour iPod Touch ou même pour iPad, si vous agrandissez. Le premier, c'est Road Blaster. Road Blaster, c'est vraiment un grand classique. Ouais. C'est un classique qui est sorti en 1985 par Data East. Puis ça a été au départ à l'arcade, puisque c'est finalement, c'est comme un film d'animation interactif. À l'arcade, à la base, c'était ça. C'est ça, à l'arcade, à la base, c'était ça. On va continuer. C'est ça, parce que c'était un peu le même principe que Dragon's Lair. Ouais. Ces genres de jeux-là qu'il y avait de Don Bluth, il y en a eu une couple, puis c'était vraiment des affaires de fun, genre que tu vois ce qui se passe à l'écran, puis t'interagis, disons, tu tasses à gauche, tu tasses à droite. Jouer dans un cartoon, là. C'est ça. Vraiment, c'est comme jouer dans un cartoon. Là, c'est Revolutionary Concept qui a fait ça pour plateforme iOS, mais c'est intéressant de savoir qu'il est aussi sorti sur Sega Mega CD, sur Saturn, même sur VHS. VHS. 3DO, PlayStation 1, puis aussi, on peut le retrouver comme Road Avenger, dépendant des endroits où vous allez l'acheter. Il s'appelait Road Avenger avant. Mais moi, j'ai vu une autre version qui est comme un mélange de Rad Racer puis Spy Hunter. Mais c'est ça, c'est parce que ça, c'est pas ça. Là, Road Blaster, c'est ça. Road Blaster en deux mots, c'est ce jeu-là. Puis Road Blasters en un mot, ça ressemble à Rad Racer. Ça fout le chien, hein? L'auto est pareil en plus. C'est comme une genre de vieille Ferrari rouge. Ça se ressemble pas mal. Même mais dans ce temps-là, tu remarqueras, hein, dans les jeux, je m'échappe un peu, là, mais les chars là, dans les jeux de course, c'était tout le temps rouge. Tu check OutRun ou tu check n'importe quel jeu de Sega, c'était souvent ça, le char était rouge. Bref, c'est un film interactif. Puis les contrôles, c'est comme Dragon's Lair, justement. Tu pèses à gauche, tu pèses à droite, t'as un frein, puis t'as aussi un accélérateur pour aller vraiment vite, un genre de turbo. Puis aussi, ce que je voulais dire, c'est que si vous achetez le jeu, puis vous essayez ça avec les contrôles, avec les boutons, vous allez trouver ça épouvantable. Ça va super mal. D'ailleurs, le jeu a reçu des très mauvaises critiques pour ça. Okay. Ce qui est dommage, parce que c'est un très bon jeu, tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer ça pour les mouvements du iPod. Fait que si on tourne à gauche, on vire l'iPod un peu à gauche, on vire l'iPod un peu à droite, on a notre accélérateur, notre frein, ça fonctionne à merveille. Moi, je joue présentement, il y a 9 niveaux. Puis c'est un jeu là, qui nous en donne quand même assez longtemps. Puis c'est intéressant de jouer à un film interactif plutôt que de jouer à un jeu qui a du gros graphisme et tout ça, parce que malheureusement, ça n'existe plus. C'est, oui, absolument. C'est très différent comme expérience de jeu. Là. Jouer dans, à Dragon's Lair comme ça, ouais, c'est un manga. Écoute, il tend le manga carrément. Puis à un moment donné, il faut que tu interviennes. C'est ça. Je trouve ça écœurant. Puis c'est comme écouter un film puis interagir. Moi, j'adorais justement sur... sur l'ordinateur, j'adorais les point and click que c'était filmé tout le temps, comme je me souviens de X-Files, qui était un de mes jeux préférés à peu près 12 disques. Mais c'est intéressant, les jeux comme ça, c'est super le fun. Puis lui, il est juste 99 sous. Fait que je vous dirais, allez regarder le vidéo sur notre page, on va mettre un YouTube, puis vous allez probablement trouver ça très intéressant. Prochain jeu, c'est Elis. Elis, c'est un jeu qui est gagnant de plusieurs prix de designer indépendant. Ça a fait fureur, ce jeu-là. Puisque c'est Elis, en gros, c'est un jeu, je vais te l'ouvrir, Dominique, parce que... j'ai cherché, moi, puis je suis tombé sur un jeu de zombies, là. Hey boy, c'est tellement pas ça. Elis Adventure, là. Ah, oui. Mais, J'espérais que ce soit pas ça, ça va l'air... La musique est super bonne en passant. C'est super beau. C'est astéroïde, là. C'est vecteur au max, hein? Juste des lignes. C'est ça. Puis ce qu'il faut faire dans Elis, c'est qu'on a des ronds qui apparaissent. Puis ces ronds-là, il va falloir s'arranger pour pas qu'ils se collent les uns sur les autres quand ils sont de couleurs différentes. Mais quand ils sont de la même couleur, on va les mettre les uns dans les autres pour former un plus grand rond. Puis on va les faire rentrer dans une forme qui ressemble à un genre de portail. Ouais. Puis... ils vont rentrer à l'intérieur de ces portails-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça commence tout petit, ce jeu-là, puis ça a l'air vraiment niaiseux, mais ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il nous manque de place dans notre écran, puis il faut gérer cette place-là sans arrêt. Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a des trous noirs à un moment donné qui attirent nos ronds. Des fois, il y a une espèce de spirale qui va les lancer un peu plus loin, donc il faut les retenir avec nos doigts. On peut jouer tout simplement à un doigt, mais on nous suggère fortement de jouer avec le multi-touch qu'on dit, c'est-à-dire d'utiliser deux doigts ou même trois doigts si vous voulez, en mettant votre plateforme sur... en mettant la plateforme sur la table. Donc, on va vraiment là, utiliser nos doigts pour pouvoir séparer des boules qui sont trop grosses, les mettre ensemble. C'est vraiment un jeu qui est fun, qui est simple, mais c'est un jeu qui prend énormément de... comment je pourrais dire ça? Qui devient énormément... c'est difficile. Ça devient juste très difficile. Ouais. Ça devient vraiment difficile. Puis, il y a 20 niveaux là-dedans. Mais c'est des niveaux que vous n'êtes pas prêt d'oublier, que vous allez recommencer une bonne couple de fois avant de réussir. C'est un très bon jeu. Le jeu est $4.99, donc $5. Un peu plus cher. C'est un peu plus cher, mais il faut comprendre ça. Sur le iTunes Store, c'est bien important de pas tout le temps vous arrêter au prix, parce que les jeux qui sont d'une plus grande qualité souvent vont être de ce prix-là. Puis c'est pas nécessairement non plus les jeux qui vont être dans le top 100 qui vont être les meilleurs jeux du magasin, ça je peux vous l'assurer. Puis d'ailleurs, moi je vais vous en parler de plus en plus de ces jeux-là, parce que c'est une plateforme avec laquelle je passe beaucoup de temps. Ouais, hein? Puis malheureusement on peut pas en parler à Monsieur Net pour des raisons techniques souvent, parce que c'est pas évident de filmer un écran d'iPod et tout ça. On ne peut pas vraiment avoir des images. On ne sait pas. Peut-être à l'avenir, on va finir par en parler à M. Net. Mais pour l'instant, moi, c'est sûr que je vais vous faire part de toutes mes découvertes à Rétro Nouveau, parce que c'est pas mal intéressant. Puis je tiens à mentionner que ce jeu-là, il est juste vraiment trop beau. Là. En vecteur comme ça, là, ça me fait penser justement aux premières arcades, astéroïdes, tout ce qui était en vecteur là, précis, puis des comment dire, la luminosité d'une ligne de vecteur sur un fond noir. C'est tellement beau, là. Écoute, on est designer graphique. Oui. Graphique. Moi, je trouve ça fashion au max. Ah oui, c'est super beau, là. C'est vraiment beau. Point de vue design, là, c'est... la présentation est top-notch, le son, tout, c'est impeccable. Allez chercher ça. Alors, en critique rétro nouveau, aujourd'hui, un autre classique. Là, j'espère que ça va être bon cette fois-là. Là. On va pas être jusqu'à la date. Il y a eu une sortie intéressante cette semaine, Bruno. Oui, pas mal intéressante. C'était Elevator Action Deluxe. Fait qu'on est sur la coche cette fois-ci. Écoutez bien, On a décidé de faire la critique maintenant. Le jeu est sorti mardi. On enregistre présentement, on est jeudi. Ouais. Fait que ça fait deux jours que c'est sorti, donc c'est tout récent. Puis on vous fait la critique maintenant en commençant par la version Atari 2600. Non, pas Atari 2600. Nintendo. C'est ouais. vrai. Bon, Elevator Action a d'abord commencé sur l'arcade, comme tous les classiques de ce genre-là, qui sont vieux. C'est un jeu par Taito. Et puis, nous, bon, on va parler de la version NES, qui a l'air d'être pas mal la même affaire. Là. C'est pas mal pareil que la version arcade. Ouais. Ça demande, en tout cas. Alors, l'histoire. Oh, ouais, comment? On incarne l'agent 17, nom de code Otto. O-T-T-O, là, comme dans les Simpsons, là, Otto, ouais. là. Puis on travaille pour une agence d'espionnage, là, X, là. X dans le sens ouais. qui n'est pas nommé. Là. Exact. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, bon, la première... Ben, ce qu'il faut faire, t'atterris sur le toit d'un building d'à peu près une trentaine d'étages, je pense. À peu près. Puis il faut que tu descendes tous les étages jusqu'en bas à travers des ascenseurs pour prendre ton char puis partir. Ouais. Mais pendant que tu descends, il y a des portes partout, partout, partout. Puis il y a des méchants qui sortent de ces portes-là. T'as un fusil, t'es tire. Puis il y a des portes qui sont rouges. Dans ces portes rouges-là, faut tout y aller dans les portes rouges parce qu'il y a des documents cachés en arrière de ça. Donc, c'est ça, il faut que tu ramasses tous les documents. Tous les documents en descendant pour pouvoir partir en bas. Puis si c'est pas fait, si t'as manqué un document, puis t'arrives en bas, tu peux pas partir. T'sais, il te remonte dans la première porte que t'as ratée, là, finalement. Excuse-moi. Puis, c'est ça. Donc, là, moi, la première chose qui m'a frappé en jouant à ça, c'est la musique, là. Hypnotique, mon gars, là, c'est terrible. Oui. J'étais en train de virer fou. Je sais. Parce que je ne l'ai pas acheté en original, là. Je l'ai pris sur la Virtual Console, non de 5$. Puis écoute, là, ça, c'est du NES là, à son moins fort, là, parce que c'est dans les premiers jeux NES. Là, ouais. Quand tu joues, mettons, à, je sais pas moi, au Turtles 3 de Manhattan Project, à Sonic 3, Super Mario, ça, c'était vers la fin. Tu en as du stock. Là, puis là, il n'y a rien, mon gars. Absolument rien. C'est comme un jeu d'Atari sur la NES. C'est fou comment il y a une différence entre les deux. Le logo est écœurant, par exemple. Ouais. C'est probablement la plus belle affaire c'est du jeu. C'est très drôle. Ouais. Ben, ça, c'était sur l'arcade, ce logo-là, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment. Mais il n'y a rien, là. C'est noir. Non, y a pas, tu sais, les couleurs, c'est flat. C'est quoi? C'est rose-vert, rose, genre. Ben, ouais. Puis notre bonhomme qui est supposé être un espion, il a juste l'air d'un petit doux, avec une pipette, là, qui va être là. Il n'y a pas de l'air zéro, mais. Il n'y a pas l'air d'un espion. Je trouve qu'il a l'air d'un gars qui se retrouve là par hasard. Ben, puis comme, il faut que je ramasse des documents, là. Ouais. Ouais, ma blonde, elle a joué. Elle a trouvé les bonhommes très beaux. Ouais, c'est ça. L'ensemble de tout ça, elle trouvait ça cute, quand même. Moi, je sais pas, j'étais trop critique. J'ai pas réussi. Je trouvais ça vraiment pourri. Mais c'est ça. Mais le tough là-dedans, là, ce qui tue l'expérience. Ça, au pire, c'est pas grave là, si c'est pas beau, tu sais. Mais ce qui tue l'expérience, c'est que ça se contrôle tellement mal. Là, c'est vrai que ça se contrôle ça mal. Ça répond pas, tu sais, parce pas que tu peux te pencher, puis tu peux sauter. Quand tu te penches, tu pèses par en bas, tu sais, le personnage va pas se pencher tout de suite. Là. Non. Ça lag. Oui. Puis des fois, faut que tu te dépêches parce que les balles de tes ennemis qui tirent dessus, eux autres aussi, là, ils vont tellement vite. Là. Fait que j'ai découvert que sauter, ça sert absolument à rien parce que t'as jamais le temps de dodger une balle parce que la balle arrive tellement vite. J'ai eu la misère, moi, à sauter dans la version originale. Ben oui, mais ton saut, il est tellement lent aussi là, que ça donne à rien. Faut que tu te penches. Puis faut que tu prévois là, te pencher plus vite que prévu parce que tu prévois que que ton contrôle va mal aller. C'est ça qui est pourri là-dedans. Là. Non, c'est ça. Faut que tu joues avec les lacunes du jeu, finalement. Ouais. Fait que, puis là, faut tout. Ce qu'il y a de long aussi, c'est faut que tu attendes après les ascenseurs. Ça, c'est un petit peu tannant. Mais l'ascenseur, tu peux le contrôler, par exemple. Ouais, quand t'es dedans, tu le contrôles. Mais mettons, là, il fait 6 étages ton ascenseur. Ouais. Faut que tu attendes que l'ascenseur revienne. Quand tu te rends au deuxième niveau, est-ce que t'as encore 30 étages? J'ai pas remarqué parce que je n'ai pas réussi à passer le deuxième niveau. Parce que ce jeu-là, c'est tellement pas jouable avec les contrôles que je me faisais buter, là, ça avait pas de bon sens. Puis, mettons que tu rentres dans une porte pour aller chercher ton document, il faut que tu ressortes tout de suite en pesant sur une flèche, à droite ou à gauche. Okay. Parce que tu peux rester caché en arrière de ta porte, mais pendant ce temps-là, les ennemis arrivent eux autres. Puis là, ils t'attendent. Puis quand tu sors, ils te shootent, là. Mais c'est tellement pas juste. comment tu fais pour ouvrir la porte? Parce que moi, vois-tu, là, j'ai essayé la version arcade. J'étais devant la porte. Puis je pesais par en haut, à gauche, à droite, j'y arrivais pas. Fallait que je me tasse un peu où ce que ouais. la poignée pour rentrer. Il y a un petit tapis par terre. Tu sais, comme le. C'est tellement mauvais comment est-ce qu'on rentre dans une porte que par terre, il y a un petit tapis qui t'indique. À côté du tapis, ben oui, je le vois là. Puis il y a des escaliers roulants aussi à gauche et à droite, un peu plus bas, même affaire. Tu peux pas être. Écoute, Keystone Caper sur l'Atari, qui est un jeu de centre d'achat avec des escaliers roulants, était tight, là. Mais ça, là, ça marche pas. Faut que tu aies encore une petite coche à terre, faut que tu pèses. Mais là, quand tu pèses, il descend pas tout de suite, tu sais. Il descend un petit peu après. Tout est une coche en retard. Qu'est-ce qui est compliqué à programmer, genre, pèse par en bas, le bonhomme descend dessus. Tu peux-tu, comme, enlever, comme dans ton code, tu sais, la demi-seconde que t'as mis, je comprends pas, là. Puis moi, là, je veux parler de la toune parce que moi, là, je me disais, si je faisais un jeu à propos de quelqu'un qui se fouille dans le nez, je mettrais cette toune-là. C'est pourri, là. C'est long, long, long. C'est vraiment long, puis ça ajoute au ridicule, finalement, de faire clairement. Tu viens de dépenser pour ça. Puis en plus, c'est pas tant un désavantage, là, mais quand tu tues quelqu'un, là, il se met à faire des backflips, blip, blip, puis vire. En fait, ça fait même pas de bruit quand tu le tires. Il fait juste comme flipper à l'envers pendant là, 5 secondes. Il pourrait-tu juste disparaître pour ouais, c'est ça. Qu'on règle le problème? Mais c'est ça. Bon, tu peux te faire écraser par les ascenseurs si t'es en dessous. Tu peux embarquer dessus puis te faire écraser aussi. Tu peux écraser tes ennemis, ça, c'est assez agréable. Mais ça t'arrivera pas souvent. OK. Donc, fait que finalement, en tout et partout, là, toi, tu dirais, achetez pas ça. Non, achetez pas ça, là, vraiment. Si vous le trouvez, là, usagé, une pièce, là, ben, c'est un classique, tu sais, c'est un classique d'arcade. C'est ça, c'est un classique quand même. Ce classique-là, moi, j'ai pas eu de plaisir à y jouer. Non. Là. Fait que, puis j'ai lu aussi qu'il y a un timer là-dedans, même s'il n'est pas indiqué nulle part. Il n'est pas indiqué. Fait que quand le timer, il paraît, quand ça finit, là, la musique se met à aller plus vite, les ennemis sont plus agressifs, comme si c'était pas assez tough, tu sais, parce que des fois, ils se penchent pour te shooter, tu sais. Fait que là, toi, tu sautes, comme la minute qu'ils se penchent, t'es mort. Parce que t'as pas le temps de sauter, ça va trop vite. Caline. Fait que, puis il paraît aussi que les ascenseurs, ils répondent moins bien, tu sais, quand le timer. Aïe, aïe. Mais moi, j'ai voulu le faire. J'ai pas réussi. J'ai attendu. Là, je me suis mis dans un coin, là, puis je pitonnais sur B. Puis, tu sais, comme. Il y avait rien à faire. Pour tuer tout le monde jusqu'à ce que le timer arrive. Puis, c'est jamais arrivé. Je me suis fait tuer avant parce qu'il y a quelqu'un qui a monté un ascenseur qui m'a tiré d'un jambe. Donc, j'ai pas pu vérifier cette information-là. Puis, hey, ça a l'air que. Je suis en train de regarder ça. Là, je regarde des vidéos du jeu. Puis, il y avait une version aussi Game Boy Advance. Il y a eu une version Game Boy Advance. Il y a eu beaucoup de versions sur beaucoup de classiques là, des jeux Great Assets de Taito. Parce qu'il y avait il y a eu une version Game Boy Advance, puis il y a eu aussi la plus remarquable, là, c'est Elevator Action Returns. Returns, qui est la suite, ça. Il y a eu ça à l'arcade. Ça, c'était à l'arcade. De bûcher au max. C'est violent, là. Ça ressemble à Rolling Thunder. Oui, absolument. Puis c'est... il y a eu aussi sur le Sega Saturn. C'est ça. Ouais. Parce que là, écoute, t'arrives en hélicoptère, là, tu descends, là, puis tu là, ça mitraille. Là, c'est le real deal. Oh, oui. Là, vraiment, il niaise pas avec le puck. Quand il veut rentrer à quelque part, il rentre, là. C'est vraiment, c'est intense, là. Ouais. Fait que finalement, Dominique, ben, écoute, on achète pas. On achète si c'est une pièce, là, en classique. Là, à moins, si ça fait partie de votre enfance, toi, t'avais aimé ça, Bruno? Moi, j'avais vraiment aimé ça. Ben, franchement, c'est un autre jeu, moi, que j'ai eu sur une cassette 32 dans un. J'avais la version japonaise. Okay. Puis, jouais sur un 32 dans un. Oui, c'est ce genre de jeu-là. Ben, c'était parfait, une petite game de Mappy. Après ça, une petite game de ça, City Connection. Ouais, c'est tous des jeux qui passent une ou deux minutes. C'est pas grave. Pour ça le fait, mais si tu sais pas là-dessus, là, c'est un petit peu plate. C'est un petit navet. Bon, alors moi je vais vous parler de la version, la nouvelle version, c'est Elevator Action Deluxe. C'est un jeu qui est exclusif à PlayStation présentement sur le PlayStation Network. Donc vraiment, il y a une bonne différence là. Déjà, on peut voir en partant que le niveau de graphisme est vraiment totalement différent. Oui. On a rendu ça beaucoup plus intéressant visuellement, c'est plus sombre, ça se passe la nuit. Aussi, une des premières choses qu'on peut remarquer, c'est que il y a pas 30 étages là, à ton building. Tu arrives avec ta petite corde, pareil comme dans l'original, puis là, tu vas rentrer dans le building, puis à place d'avoir 30 étages, justement, il va en avoir environ, là, je te dirais, 5, 6, 10... Fait que ça, c'est vraiment cool parce que c'est beaucoup plus facile à faire. Maintenant, pour ce qui est des... en passant, j'ai complètement passé par-dessus, mais ça, c'est Square Enix qui publie cette fois-ci. C'est plus Taito maintenant. Ben, Taito développe. Taito garde les droits là-dessus puis développe, mais c'est Square Enix qui le publie, ce qui est quand même très bon. Puis, ce qu'il faut faire dans le jeu, c'est la même affaire qu'avant. On ramasse tous les documents, puis il faut quitter le building. Okay. Fait qu'il faut se rendre en bas, puis ramasser tous les documents. Fait que c'est la même affaire que dans l'original. Là. C'est vraiment la même chose. On a des portes bleues, des portes rouges. Il faut rentrer dans les portes bleues pour se cacher. Si on sort de cette porte bleue-là, on ne pourra plus la réutiliser non plus. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que là, ils ont fait des nouveaux mouvements. C'est que là, ton personnage, qui a toujours l'air aussi ridicule en passant, il a l'air d'un espion, mais il a l'air d'un espion gentil. T'sais, il a des cheveux jaunes avec des grosses vagues dedans. Okay. Puis il a une espèce de petit kit rouge bien slick, bien serré. Fait que ça marche. C'est comique, c'est cute. Okay. Puis, mais il a l'air épais quand même. Fait que t'embarques dans la porte, puis un nouveau mouvement qu'ils ont fait que j'adore, c'est que tu rentres dans la porte. Là, le petit bandit vient te voir, il est pas content. Une fois qu'il arrive en arrière de la porte, ça, c'est écœurant. Ah, ouais. Tu peux en avoir plusieurs en même temps aussi. Quand tu en as 3-4 qui te voient, tu as une alarme qui part dans l'étage. Là, ils partent tout sur toi. Fait que si tu te mets en arrière de la porte, tu peux en pogner 6 de même. C'est super le fun. Des fois aussi, il y a des tonneaux. Les tonneaux, tu peux les pousser sur eux autres. Tu peux tirer sur un tonneau pour faire exploser tout l'étage. Tu peux aussi poser des bombes pour faire exploser tous les étages. C'est une espèce de bombe à retardement que tu poses à terre. Est-ce que l'étage... Tu te mets en arrière d'une porte. Okay. Puis là, ça saute. Fait que toutes les lumières brisent. Fait qu'il n'y a plus de lumière nulle part. Les lumières brisaient sur l'original aussi. Sur l'original. Tu peux faire tomber une lumière. Tomber une lumière, puis ça disparaît la lumière pendant un bout. C'est ça. Puis la lumière, c'est quelque chose de bien important parce que dans le fond, c'est ça qui te permet de passer à côté des ennemis sans te faire repérer, puis ça va aider énormément. Moi, je pensais que ça le faisait sur le NES, ça. Je me dis, je vais shooter les lumières, personne ne va me voir, je ne me ferai pas tirer. Mais pas! Non, ça sert juste à attirer les lumières. Mais attention, un ennemi qui passe en dessous, c'est donc bien mauvais. Oui, si soit la lumière sur la tête... Mais essaie de faire ça. C'est top. Surtout qu'il faut que tu te tannes, tu sais, il faut que tu ailles sur l'ascenseur, puis tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, puis tu tires. Là-dedans, on s'est dit, on s'en va complètement l'autre bord. Fait qu'ils ont mis, tu pars avec un fusil avec des balles illimitées. Après ça, tu peux pogner une mitrailleuse, un lance-roquette, des grosses bombes. Fait que vraiment, ton bonhomme, il peut devenir hyper puissant. Une affaire que j'ai trouvé vraiment cool, c'est qu'il n'y a pas seulement les ennemis normaux. Tu sais, t'as les petits ennemis qu'on voyait dans l'original avec le petit chapeau, avec les petites lunettes. Mais eux autres sont toujours là, mais sont plus ou moins intelligents. Après ça, t'en as d'autres qui arrivent, qui viennent de la CIA ou je sais pas trop quoi, puis eux autres, ils ont des grosses mitrailleuses, puis ils niaisent pas avec le puck. Plus tard, il y en a d'autres avec des lance-roquettes aussi, puis ça fait juste évoluer. Le jeu est sorti mardi, donc je suis rendu au cinquième niveau à peu près. Il y en a environ 10. Pas hâte de voir l'évolution du prochain gun. Lance-roquette dans un building. Ouais. Ça, c'est quoi? Puis quand tu tires le lance-roquette... Mais quand tu sais le lance-roquette, ce qui est cool, c'est que ça explose sur une bonne surface. Fait que ça te force à vraiment te mettre en arrière de la porte. Ouais. Puis en plus, avec ce lance-roquette-là, tu peux défoncer des murs. Puis tu peux aussi activer des espèces de manettes qui vont pouvoir faire monter ou descendre des murs. Fait que des fois, tu peux littéralement emprisonner des ennemis dans des endroits. Il y a aussi des places, quand c'est le dernier niveau, il va falloir que tu ailles faire exploser, mettons, un gros robot militaire. Fait que tu vas poser des bombes à chaque endroit. Faut encore une fois que tu descendes jusqu'en bas du building, puis que tu ailles dans ton auto, c'est ça le but, que tu te sauves, mais avec tous les documents. Mais c'est vraiment un jeu... Ils ont racheté énormément de stock. Ils ont vraiment, à vrai dire, c'est comme s'ils avaient écouté ta critique, puis ils avaient fait comme, il faudrait peut-être faire de quoi, les gars, puis ils ont tout arrangé ça. Maintenant, embarquer dans un ascenseur, ça se fait rapidement, ça se fait bien. Tous les contrôles fonctionnent. Tu peux rentrer dans une porte, sortir d'une porte très facilement, juste en pesant par en haut, que tu sois un peu à côté ou dessus, ça marche. Même affaire pour les escaliers roulants, ça fonctionne à merveille, tu sais. Puis, en plus de ça, comme si c'était pas assez, Ils ont ajouté le multijoueur, fait qu'on peut jouer jusqu'à 4 personnes. Ah ouais. Super intéressant, sur le même écran, des jeux à 4, il n'y en a pas beaucoup. L'écran est divisé en 4 ou les 4 non, c'est les 4 se promènent dans le même building. Hey, ça doit être dur, pareil, c'est de quand même. Se faire sauter à la face. Puis des j'ai pas joué encore, mais j'imagine que ça doit être assez difficile. Une autre affaire qui est intéressante, c'est qu'on peut faire, on peut reculer puis voir tout le building au complet pour voir à peu près où il faut s'en aller, chose qu'on ne pouvait pas faire dans l'original. Non. vraiment pas. La technologie ne permettait pas. No. Fait que c'est ça, puis c'est vraiment un bon jeu qui, en plus, donne la version originale d'arcade. Ça, c'est cool. Puis c'est cool, puis on dirait qu'ils l'ont fait faire comme... Voyez à quel point le jeu mauvais, là. Puis toute la job qu'on a faite, on peut-tu rester conscience tranquille pour faire c'est la version définitive, tu sais? Puis je pense qu'ils l'ont, la version définitive. Vraiment, là, c'est super bon. Il y a un écho d'intéressant. Je suis sûr que ça peut même amener à un jeu original sur disque qui va vraiment, et qui pourrait devenir une licence super intéressante parce que ils ont de quoi de vraiment intéressant. Tu rajoutes des gros boss à ça ou un endroit où tu t'en vas dans la rue. Parce que même à un certain point, tu as deux buildings, puis tu vas pouvoir sortir d'un building, pogner ta corde, descendre sur un autre building. T'sais. Ah, c'est bon. Ils ont ça. Comme ajouté plein d'affaires. Ils ont vraiment fait évoluer la série. C'est un jeu qui se retrouve seulement sur PS3 pour l'instant, mais je doute fortement que ça reste comme ça. Je suis certain que ça va arriver sur XBLE. Même sur PC, même sur WiiWare, ça serait possible. Peut-être pas sur WiiWare parce que l'engin graphique le permet pas. Mais vraiment bon, un jeu qui coûte 10$. Malheureusement, il n'y a pas de démo. Mais fiez-vous à moi, si vous aimez ça, si vous aimez le jeu furtif avec le jeu d'ascenseur que ça présente, vous allez vraiment aimer ça. T'sais, c'est vraiment le fun. Puis c'est un jeu qui est visuellement comique et sympathique. Fait qu'on peut jouer en famille, j'imagine facilement, là, 4 personnes jouer à ça dans un party et avoir bien du fun. Fait que c'est un must. Fait que enfin, première critique rétro nouveau positive d'un jeu qui était une totale boîte, hein, un jeu qui est super intéressant. On donne pas de note à rétro nouveau, évidemment, mais moi je vous dis que c'est un. Procurez-vous là, c'est vraiment un bon jeu, surtout à ce prix-là. Ben là, ça finit bien cette histoire-là. Mais parce que le jeu était pas bon, puis il est devenu bon. Ouais. Là, hier, c'était quand même bon. C'était un bon jeu, puis c'est devenu pas bon. Rush, c'était comme pas bon, pas bon. Ouais, c'était moyen. Mais faudrait, là, bon, tu sais. Ouais, ça, moi, je pense que ça devrait être notre but, là, pour notre prochain, là. Tu sais, on dévoile pas les jeux qu'on fait à Rétro Nouveau. On le fait pas. On vous écrit pas ce qui s'en vient dans l'épisode prochain, même si on le sait très bien. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on va s'arranger pour que le prochain, ce soit un bon, là. Puis si vous dites, OK, là, je sais que ça va être bon, je peux arrêter de pleurer puis continuer à écouter le podcast. Fait que c'est la fin. On est déjà rendu à la fin de l'épisode. Ouais. On a fait pas mal de stock aujourd'hui. Ouais, t'as même pas eu le temps de manger ton sandwich. Ben non. Tu vas manger ça dans le métro. Je vais le manger en courant à job, là. Ça va être parfait. Ouais. Surtout que ce soir, on fête les 25 ans de Musique Plus. 25 ans, Musique Plus. Ouais, 25 ans de Musique Plus, c'est quand même pas mal. Pas mal d'années derrière nous autres. J'en ai pas autant derrière moi à Musique Plus, mais on va avoir du fun. Puis j'ai bien hâte de voir Denis qui va animer cette belle soirée. Bref, je vais manger mon sandwich puis m'attendre le 25e. Fait que toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, moi, je m'en vais retourner dans le jus, là. Je suis complètement loadé. Ces temps-ci, je capote. C'est dur de jouer puis de tout gamer puis de tout faire en même temps. Mais je travaille en autonome, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est ma business. Fait que je me plains pas d'avoir trop de ton travail. Ouais, mais ça, c'est tough. Oh, travailleur autonome, tu peux faire ce que tu veux. Comme, ouais, si j'arrive un peu plus tard, personne me chicane. Mais tu sais, quand tu travailles, c'est tes clients, c'est ta job. Ton, exact. Tu sais, il faut que tu sois tête. C'est tout le temps de ta faute, là. C'est tout le temps de ta faute. Il faut que tu sois correct tout le temps, là. Tu sais, donc, non, c'est un mythe qu'on peut, comme, ben, à moins que t'aies pas de job, là. Mais ouais, c'est moi, ça. J'en ai. Je peux pas me permettre tout ce que je veux, malheureusement. Alors, c'est nos vies. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, continuez de nous suivre. Ouais, puis, oubliez pas, hein, Facebook. On aimerait vraiment ça avoir plus de monde. Fait que allez aimer ça. Même si vous n'y allez pas souvent, peut-être que vous allez voir que y a des vidéos et des affaires qu'on met là-dessus qu'on met pas nulle part ailleurs. Ouais. Fait que suivez-nous, donnez-nous vos commentaires, n'importe quoi. On est super contents du retour. Et bonne journée. Bye bye. Salut. Retro Nouveau.